Me voici de nouveau avec vous. Un soir, en rendant visite à mon amie française, je l'ai trouvée occupée à lire. L'ouvrage s'intitulait « La chute de l'Empire romain ». Pourquoi cette lecture ? Ai-je demandé, intrigué ? Je veux comprendre, répondit-elle, pourquoi cet empire a considéré normal d'aller dominer d'autres peuples, et pourquoi il s'est étonné, ensuite, quand ces peuples ont voulu l'envahir. Je lui ai marqué mon admiration par un beau sourire, puis j'ai ajouté, « Moi, j'ai fini de relire l'Odyssée de Homère, et je suis en train de lire l'Énéide de Virgile. »« Oh ! » s'exclama-t-elle, « je te comprends. Il est moins scandaleux de savoir les hommes condamnés par des dieux méchants que par des hommes, comme c'est le cas aujourd'hui. » J'aime passer des moments avec cet ami. Nous provenons de pays différents, nos couleurs de peau sont différentes, nos cultures différentes, nos religions différentes, nos langues différentes, nos sexes différents, nos expériences de vie différentes. Pourtant, nous éprouvons les mêmes sentiments, les mêmes sensations, nous avons les mêmes réflexions. Quelquefois, des Romains, dotés de compassion, m'ont demandé « Tes racines ne te manquent pas ?» Que répondre ? Cette préoccupation m'atteignait comme un stylet de chirurgien sur une blessure ouverte et sans anesthésie. « Oui, mes racines me manquent », était ma réponse. Par la suite, je me suis méfié de ce genre d'opinion. Cela m'est arrivé quand j'ai vu des gens, d'ici et de chez nous, évoquer leurs racines pour mépriser, haïr, puis exclure ceux qui en avaient d'autres. Par chance, un jour, j'ai lu la réponse à cette même question avancée par un autre, E.C. Venant d'Asie mineure, il résidait à Athènes. Voici sa réplique. « Je ne suis pas une carotte ni une salade pour avoir besoin de racines. Je suis un oiseau qui ne connaît pas de frontières. Il édifie son nid là où cela lui plaît. » Ce sage, j'en ai déjà parlé. Il se nommait Diogène, un philosophe très particulier dont les réflexions m'ont énormément aidé pour affronter mon existence d'extra, etc. J'ai cependant une difficulté à me concevoir en oiseau. Contrairement à moi, lui a la chance de ne pas se voir exiger un passeport et un permis de séjour, là où il décide de résider. Diogène m'a fourni également une autre leçon, très précieuse. À quelqu'un qui lui demandait ce que l'exil lui avait causé, il répondit « La pratique de la philosophie ». C'est mon cas aussi. Comprendre correctement le monde et bien gérer ma vie. J'ai également lu cette belle affirmation. Ma patrie est là où je suis heureux. Je dirais plutôt où je suis le moins malheureux. Je ne suis pas assez intelligent pour détenir cette clé, la plus précieuse de toutes, celle qui permet de se dire heureux. Comment éprouver le bonheur tant qu'existent des êtres humains traités moins que des chats ou des chiens? Et voici la question à $1000. On a voulu savoir, comme vous, auparavant, pourquoi, moi, Algérien, j'ai immigré en Italie plutôt qu'en France, étant donné l'histoire liant les deux pays, le fait que mon instruction s'est effectuée en langue française et qu'une partie de mes études ont eu lieu dans une ville de France. Je répondais en souriant, « C'est le résultat du mektoub, le destin. » Je plaisantais, bien entendu, mais seulement à moitié. En effet, malgré tous les motifs rationnels que j'aurais pu évoquer, ce choix est une énigme. J'ai voulu l'élucider quand j'ai appris l'existence de la « bocca della verità », la bouche de la vérité. C'est un morceau de marbre de la Rome antique, figurant un visage à la bouche ouverte. En plongeant la main dans le trou, on est censé entendre la vérité qu'on cherche. Je me suis amusé à accomplir le rite. La pierre est restée muette. Il m'a plu, cependant, de lui offrir une caresse. On m'a, aussi, posé cette autre question à $1,000. « Mais si toi ou d'autres immigrés n'êtes pas contents ici, pourquoi ne retournez-vous pas dans votre pays ?»« Oh, ai-je répondu calmement, les motifs sont simples. D'une part, la vie la plus dure et la plus humiliante, ici, l'est moins que dans nos pays d'origine. D'autre part, nous considérons toute la planète comme notre patrie, vu que nous sommes tous des terriens. » Puis j'ai exposé à mes interlocuteurs un peu de leur histoire. Il y eut un temps, en Europe, où, pour aller d'une ville à une autre, il fallait un passeport et un permis pour y séjourner. Eh bien, viendra le temps où l'on s'étonnera d'apprendre qu'il y eut une époque, celle que nous vivons, où existaient des pays qui exigeaient un passeport pour y aller et un permis de séjour pour y demeurer. Pourtant, les dirigeants de cette planète, bien habillés, souriant de toutes leurs blanches dents, se croient instruits, intelligents, la crème de la crème. Ils sont persuadés que le fait de détenir le pouvoir prouve leur qualité supérieure. Ils ignorent la réponse de Diogène à Alexandre que l'on nomme grand. Il avoua au philosophe « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Ce dernier lui fit remarquer « Moi, je pourrais être Alexandre. Il me suffirait de vouloir dominer les autres. Mais toi, tu ne peux pas être Diogène. » « Et pourquoi donc ? » interrogea celui qui croyait tout savoir. « Tu ne sais pas imposer à toi-même ce que je parviens à faire. » « Quoi ? » « Éliminer en moi tout désir de vouloir dominer les autres. Pardonnez, excusez. Permettez-moi de vous parler de tout cela. C'est plus fort que moi. Mon cœur est trop plein, comme on dit chez nous, celui-là seul qui est assis sur un brasier en sang la brûlure. J'ai besoin de vous dire tout pour me soulager un peu, comme dit maman. Et j'espère que vous ne vous inquiéterez pas outre mesure. Vous savez que les épreuves m'enseignent le courage. Heureusement, je vis également des moments de plaisir. Rome est un plateau de théâtre où, souvent, quelqu'un se promène ou travaille tout en se prenant pour Caruso, le célèbre ténor, et chante allègrement la populaire ballade « Roma mia bella, dai stai con me buona ». « Rome, ma belle, allez, sois bonne avec moi ». Quelle est belle, douce et musicale la langue italienne, encore plus quand elle est chantée. Je l'appréciais davantage quand je ne la comprenais pas, n'étant alors, pour moi, que des sons harmonieux et caressants, elle m'offrait le charme du mystère. Néanmoins, la pratiquant aujourd'hui, mon amour pour elle s'est approfondi, comme celui que l'on éprouve pour une femme dont la connaissance ultérieurement agréable nous la rend plus aimable. J'ai découvert des mots curieux et amusants. Par exemple, à Naples, le langage populaire utilise le mot « uaio » pour désigner un brave petit garçon. J'en ai découvert l'origine. C'est le mot français « voyou ». Cela provient de l'occupation française de la ville, dans le passé. Comment ce terme a pris un sens positif, affectueux, mystère ? C'est l'œuvre du génie du peuple napolitain. J'ai aussi repéré des mots de notre idiome oranais qui, en algérianisant des mots français, les ont transformés en termes plus proches de l'italien. Par exemple, le français « hôpital » est devenu, chez nous, « sbitar », qui est proche de l'italien « ospedale ». Le mot « table » se dit chez nous « tabla » et en italien « tavola ». Intéressant et amusant, n'est-ce pas, cette migration libre et créative des mots d'un peuple à un autre. Est-il raisonnable et juste d'accepter la migration des mots et pas celle des humains ? Plus grave encore, est-il raisonnable et juste que les dirigeants actuels du monde demandent le maximum de liberté de circulation pour les marchandises et l'argent, tout en exigeant, dans le même temps, le minimum de circulation des êtres humains ? Franz Kafka, toi, le spécialiste de l'étrangeté humaine. Reviens, s'il te plaît, écris un roman là-dessus, le procès des maîtres de ce monde. » Ils croient que le sinistre cauchemar qu'ils appellent mondialisation est une belle invention, alors que c'est une réduction des peuples à des produits, dont le seul but est d'engendrer du profit pour les vautours qui détiennent un capital. Mais aussi, Franz montre comment les êtres humains peuvent combattre ces soi-disant forces supérieures et s'en affranchir. Je te le demande parce que tu as écrit « Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. Voilà ce que je crois. » Et tu as aussi affirmé « Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?» Ha ha ha ! Pour avoir cette conception bien proclamée, l'ami Franz devait être très fâché. C'était un modeste juif tchèque qui avait émigré dans la riche germanique Berlin. Personnellement, je me contenterai d'un bouquin faisant naître chez le lecteur de la compassion dans le cœur et de l'intelligence dans l'esprit. C'était le cas quand, maman, tu me lisais, le soir, dans mon enfance, quelques récits des mille et une nuits, ou des romans comme Les Misérables, de Victor Hugo, L'Assommoir, d'Émile Zola, Poil de carotte, de Jules Renard. Peut-être vous ne connaissez-vous pas ce Franz Kafka dont je parle. Je vous conseille de lire ses romans, comme vous avez lu, en leur temps, ce livre magnifique d'un autre Franz, nom de famille Fanon, Les damnés de la terre. Je dois, maintenant, vous avouez une chose qui m'a très agréablement surpris. Dans les rues, et surtout dans les parcs, j'ai vu beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se tiennent par la main amoureusement. Parmi eux, j'ai remarqué des personnes même du troisième âge, ceux qu'on appelle chez nous tchibani, des vieux. Les plus jeunes s'enlacent avec une délicate ferveur en échangeant de doux baisers. Que c'est beau, émouvant. La tendresse m'a toujours profondément touchée. Qu'y a-t-il de mieux que l'amour, librement vécu? En contemplant ces personnes qui s'aimaient en plein air, au soleil, épanouies et ravies, j'ai soupiré d'envie. Ah, combien de bonheur ai-je perdu? Ah, si le hasard m'avait fait naître ici! Quel dommage que, dans notre pays, domine cette conception bizarre qui conçoit la femme seulement comme une tentation satanique qu'il faut cacher au regard de l'homme. Est-il donc si obsédé qu'il ne parvient à voir que le sexe et non la personne? Je plains ce genre de vision dont je devine la douloureuse frustration. Elle empêche de jouir sainement de la naturelle beauté. Ici, les parcs sont nombreux. Certains s'étendent sur un large espace. Tous sont très agréablement conçus. On y trouve des arbres plus que centenaires, des mares où se promènent d'élégants cygnes et de gentils canards, des pelouses accueillantes, des fleurs, des papillons. Ici, tout est charmant sentiment et sensuelle sensation. Les yeux et les narines jouissent de séduisantes images et de captivants parfums. On peut également admirer de ravissantes statues. Certaines représentent de jolies jeunes femmes toutes nues. Je regardais ces corps avec beaucoup de plaisir. Ils me rappelèrent d'autres. J'étais alors avec toi, maman, au hammam, le bain public. J'y contemplais, avec une curiosité joyeuse, les femmes dénudées qui se lavaient. C'est toi qui m'as enseigné que la grâce est partout, et toujours un don de la création qu'il est bon d'apprécier. Dans ces jardins publics, je suis content de me promener, en fin de semaine. En contemplant les familles qui en jouissent, j'aurais aimé partager mon plaisir avec vous. Une seule réserve. Les banlieues populaires manquent de ce genre d'agrément. Décidément, la démocratisation de l'élégance a encore besoin de progresser dans cette ville. Cependant, la démocratie existe dans certains domaines. Ainsi, de temps en temps, je vois des travailleurs défiler dans les rues pour réclamer leurs droits. Ils marchent en jouant de la musique, en dansant, en chantant. Des policiers étaient présents pour veiller sur l'ordre, mais ils n'empêchaient pas de manifester. Par contre, pas de militaires pour s'opposer aux contestataires, encore moins leur tirer dessus. La vue de cette liberté d'expression est pour moi, chaque fois, une douce brise de printemps. Cela montre qu'il ne faut jamais désespérer. C'est, vous le savez, le manque de liberté dans notre pays qui m'a fait émigrer. Il m'arrive, cependant, de penser que je suis un lâche et un égoïste qui a abandonné ses compatriotes à l'arbitraire. Mais je ne supporte aucune forme de violence. Est-ce de la lâcheté et de l'égoïsme? Il m'arrive de le penser. Je me rappelle le temps où je vous en parlais, et votre réponse. Tu ne peux pas être le sauveur de ton peuple, essaie au moins de te sauver toi-même. Oui, cela est vrai. Néanmoins, il me reste quelque chose à satisfaire, mon devoir de solidarité. Concernant la violence, bien que le pays où je suis ne soit pas l'Inde, j'ai une préoccupation. De plus en plus, je suis embarrassé par l'idée de manger des cadavres d'êtres vivants assassinés, je veux dire les animaux. Dès que je trouverai les protéines qui les remplacent pour alimenter mon corps, je cesserai avec soulagement cette pratique cannibale. Excuse-moi, ma très chère maman, de parler ainsi, mais je connais ta tolérance et ton sens de l'humour, toi qui adores les viandes rôties, spécialement le méchoui. À ce mot, je vois d'ici ton sourire. Une autre observation à propos de démocratie. Une fois par mois, les gens peuvent visiter gratuitement deux endroits où siègent respectivement les députés et les sénateurs. C'est une très bonne idée de permettre aux citoyens d'aller voir les lieux occupés par ceux qui les commandent. Bien entendu, ma curiosité m'y a porté. Je ne sais pas combien de visiteurs ont eu ma réaction. Dans ces palais magnifiques, je fus impressionné par les somptueuses moquettes, les immenses et lourds rideaux, les précieuses peintures au plafond garnies de lumières scintillantes, les larges fauteuils de cuir raffiné et, enfin, la majestueuse et imposante salle où se réunissent les représentants de la nation. Tout est tellement confortable, luxueux, coûteux. Une interrogation a surgi dans mon esprit. À celui qui est élu pour travailler en ce lieu, un tel étalage d'aisance, d'avantages et de commodités permet-il de demeurer honnête, de défendre correctement le contenu de son mandat, sans se laisser corrompre? La tentation ne fait-elle pas le larron? L'argent et le pouvoir ne sont-ils pas les pires calamités, quand la plus scrupuleuse conscience manque pour éliminer les funestes pulsions illégitimes d'enrichissement? Allez, mes chers aimés, permettez-moi encore une fois d'aller me reposer. Il fait froid dans ma chambre. Le chauffage en commun de l'immeuble a été interrompu depuis bien longtemps. On l'éteint à minuit. Il est 4 heures du matin. Mon corps me commande de le confier au lit. Je fermerai les yeux en pensant à vous, en imaginant vos sourires pour échauffer mes draps. À demain.